Rien n'est triste comme une mort au milieu d'un campement de forains. Les diverses formalités qui accompagnent ordinairement les funérailles ne pouvant avoir lieu à l'intérieur, vu l'exiguïté des caravanes, se font dehors, au milieu d'un cercle inévitable de curieux. Chausserouge avait fait tendre de noir la façade de sa roulotte, et tandis que les employés transformaient la voiture en chapelle ardente, le cercueil de chêne gisait à terre, près de l'escalier mobile, attirant tous les regards. Il resta là, exposé à la vue des passants jusqu'alors de la mise en bière. Tous ces aménagements, tous ces préparatifs se faisaient en hâte, sans recueillement, comme une besogne qu'on expédie. Quand vint le moment où, l'heure approchant, il fallut prendre les dernières dispositions, un des croque-morts se pencha hors de la roulotte et s'adressant à un collègue resté en bas. « Passe-moi la boîte » cria-t-il. Et un instant après, on entendait très distinctement, au milieu des sanglots étouffés, les coups de marteau assujettissant le couvercle pour permettre de le visser ensuite plus facilement. Puis, à un signal du maître des cérémonies, le cortège, composé de tous les forains présents sur le voyage, s'ébranla, fit une station à l'église prochaine et se mit en marche de nouveau, après une cérémonie écourtée, se dirigeant vers le cimetière de Bagneux. La course était longue, la tête du convoi pressait le pas, en sorte que la queue s'allongeait indéfiniment, les derniers suivant avec peine. Quand la cloche du gardien annonça l'entrée dans le chant funèbre du corbillard qui disparaissait presque sous les couronnes et les fleurs, la foule des assistants était réduite de moitié. L'autre moitié était restée en route. On la retrouva à la sortie, déjà attablée à la porte des marchands de vin. Chausserouge, qui avait voulu accompagner Amélie à sa dernière demeure, revint, appuyé sur le bras de Jean Tabary et donnant la main à sa fille Zézette, qui elle aussi avait tenu à conduire le deuil à côté de son père. Toutefois, à partir du moment où il n'eut plus devant les yeux le spectacle attristant de sa femme agonisant, puis étendue morte sur ce lit où elle avait souffert de si longs mois, il recouvra un peu d'énergie. Cet homme fort, brutal, était un impressionnable. De là sa versatilité, sa faiblesse, sa tendance continuelle à subir l'influence d'autrui. C'était ce qu'avait si bien compris Louise Tabary. Essayer d'entrer en lutte avec Amélie à l'heure où, déjà condamnée, elle ne pouvait plus qu'exciter la pitié du dompteur et par là provoquer des remords dans l'âme du mari, c'eût été une mauvaise tactique. Maintenant que cette ennemie, d'autant plus dangereuse qu'elle était plus misérable, avait disparu, elle restait seule maîtresse de la volonté de son amant, qui, n'ayant rien compris à ce manège savant, lui savait gré de l'abnégation qu'elle avait semblé montrer. Il était prêt maintenant à lui prouver sa reconnaissance. Et ce que Louise avait prévu et espéré arriva. Plus que jamais, il devint son esclave. 15 jours après l'enterrement d'Amélie, à son insu et sans qu'il s'en rendît compte, il n'était déjà plus le véritable maître de son établissement. Tout d'abord, et sous prétexte de le soustraire à des souvenirs douloureux, Louise Tabary l'avait décidé à élire domicile dans sa caravane à elle. Cette cohabitation, dont Chausserouge, qui redoutait la solitude, accueillit l'idée avec empressement, ne devait avoir dans le principe qu'un caractère provisoire. L'habitude ne tarda pas à la rendre définitive. Zézette fut logée dans la caravane réservée au sujet de l'entresort et confiée spécialement aux soins de l'une des pensionnaires. Louise Tabary se montrait affectueuse, tendre, prévenante. Jean recherchait tous les moyens d'effacer le passé du souvenir de son ami, si bien qu'un mois ne s'était pas écoulé que le dompteur avait retrouvé sa bonne humeur, oublié la défunte et se fût trouvé le plus heureux des hommes si les affaires eussent été plus florissantes. Mais la gêne persistait, et il ne parvenait qu'avec peine à joindre les deux bouts. « Enfin, disait-il, je suis tout de même heureux au milieu de mes peines d'avoir trouvé à point nommé une nouvelle famille qui me soigne, me dorlote. La tranquillité intérieure, ça aide joliment à supporter les ennuis. C'est maintenant seulement que je m'en aperçois, moi, dont la vie s'est écoulée depuis la mort de mon père, dans des tracas de toutes sortes. » De là à accuser Amélie d'avoir été la cause indirecte de tout ce qui lui était arrivé de malheureux jusqu'à ce jour, il n'y avait qu'un pas, et ce pas fut rapidement franchi. Mais alors, s'il perçait quelque amertume dans ses paroles, il était aussitôt interrompu par Louise. « Tais-toi, c'est mal ce que tu dis là, » déclarait-elle d'un ton sévère. « La pauvre femme avait bon cœur, elle t'aimait, elle était plus à plaindre qu'à blâmer. Ce n'était pas sa faute si elle était née incapable de rien. Elle a fait son possible. Ce serait un crime de lui reprocher quelque chose. Tu es indulgente, reprenait Chausserouge. On voit bien que tu ne la connaissais pas. Tu ne pourras jamais te rendre compte de son apathie et de son insignifiance. Je ne suis pas indulgente, je suis juste, voilà tout. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous vous êtes trompé en vous épousant. Ce n'était pas une femme pour toi, simplement. Ajouter quelque chose de plus serait insulter à sa mémoire, et c'est ce que tu ne dois pas faire, car après tout, elle est la mère de ton enfant. C'est comme si moi je disais du mal de Tabary, qui n'a été pourtant qu'un embarras dans ma vie. Est-ce que ça m'empêche de faire mon devoir à son égard ? Tu es une femme parfaite, répliquait Chausserouge en embrassant sa maîtresse, plein d'admiration pour ses sentiments si nobles. Maintenant, l'entresort dans lequel le dompteur avait des intérêts ne quittait plus la ménagerie. Les deux baraques se complétaient. C'était un même établissement, sous une direction unique, celle de Chausserouge en apparence, celle des Tabary en réalité. On discutait en commun les mesures à prendre, et c'était toujours l'avis de Louise qui prévalait, François se rangeant inévitablement à l'opinion de cette dernière, dont il admirait l'entente et l'habileté. « Moi, déclara-t-il, si j'avais eu la chance de te connaître plus tôt avec les veines que j'ai eues dans mon existence, je serais millionnaire, positivement, au lieu de me trouver dans la purée. » Le plus grand souci de Louise Tabary était la conduite à tenir vis-à-vis de Vermieux. Certes, grâce au sacrifice consenti, on avait pu éviter tout accroc et contenter ses exigences. Mais on avait obéré l'avenir, qui se présentait gros de menaces si la chance ne tournait pas. « Il est évident, disait-elle, et je t'en avais prévenu que Vermieux, comme il le fait toujours, a profité du besoin urgent dans lequel tu te trouvais, pour te mettre le pistolet sous la gorge. Il t'a volé, il n'y a pas de doute, mais il t'a volé adroitement. Le prochain billet ne vient que dans 3 mois. À ce moment-là, nous serons à la foire du trône, et il faut bien espérer que nous y gagnerons quelque argent, et que, par conséquent, nous serons en mesure de faire face à l'échéance. Le vieux sera là à l'heure, il faut s'y attendre. Quand il s'agit de palper, il n'est jamais en retard. Mais si d'ici ce temps-là, nous pouvions lui jouer un tour de sa façon, un joli tour de cochon, avouez que ça serait pain béni. Ah, pour sûr, dit Jean. C'est justement le moyen d'en arriver là que je cherche et que je ne trouve pas, pour le moment du moins. Mais patience, ça peut me venir tout d'un coup, et alors, garde sous, nous serions deux. Tu veux dire 3, interrompit Chausserouge en riant. Je compte aussi pour quelque chose là-dedans. Ah, c'est donc bien ton avis à toi aussi, demanda Louise. « Ah, pour sûr. Et vous venez, si je boude à l'ouvrage, quand il s'agira de faire rendre gorge à ce vieux Grigou qui extermine le voyage. »« Et que j'ai connu jadis sans le sou, » ajouta la Tabary. « En voilà un qui a su faire souhaiter ses confrères pour arriver à la position qu'il a. Ah, il n'est pas auvergnat pour rien. »« Ah, ne dis pas de grand mal des gens de l'Auvergne. Tu sais que j'en suis. »« Toi, auvergnat, par ton père, ça ne compte pas. On est plus fils de sa mère que de son père. Tu es un vrai Ramoni. » Tu en as toutes les qualités, l'audace, la force, la brutalité même, et aussi toutes les faiblesses. Tu es sensible, impressionnable, superstitieux et trop bon. Ce sont ces défauts-là qui t'ont fait perdre ce que tes qualités t'avaient gagné. Avec moi, n'aie pas peur, ça n'arrivera plus. Je suis du faubourg Antoine et je ne m'emballe pas. Dès lors, pour Chausserouge, commença une existence pour ainsi dire contemplative. En dehors de ses entrées de cage, il ne prenait plus aucune part à l'administration de la ménagerie. N'avait-il pas, pour le seconder, une femme de tête, qui s'acquitterait de ce soin mieux qu'il n'eût pu le faire lui-même? Néanmoins, toute la rouerie et toutes les finesses de Louise ne firent pas affluer le public. Du reste, tout le voyage était logé à la même enseigne. Dans quelques quartiers qu'il fut installé, nulle de ses attractions n'attirait la foule. C'était une plainte générale de tous les propriétaires de baraques contre cette mauvaise chance persistante que tous leurs efforts ne pouvaient parvenir à lasser. Et l'époque avançait, où il allait falloir trouver de l'argent pour l'impitoyable Vermieux. « Pourvu que nous puissions arriver à Pâques sans encombre, » disait Jean Tabary, qui, chargé des approvisionnements, se voyait réduit à la plus stricte économie s'il voulait tous les jours donner de quoi manger aux pensionnaires de la ménagerie. Un matin, Chausserouge fut réveillé en sursaut par le veilleur, qui vint frapper à la porte de la caravane. Il se leva en hâte. « Qu'y a-t-il ? » demanda le dompteur en passant sa tête par la petite fenêtre de la voiture. « Pardon, je ne sais pas, mais c'est Sultane qui semble toute drôle. Elle est couchée et elle se plaint. Je suis sûr qu'elle est malade. »« Nom de Dieu, » fit Chausserouge, « pourvu que ce ne soit pas son lait. » Sultane avait mis bas 2 mois avant, et on l'avait immédiatement séparée de ses 3 lionceaux qu'on avait donnés à élever à une chienne Terre-Neuve. « Où vas-tu ? » interrogea Louise, en voyant son amant s'habiller rapidement. « Où je vais ? Je vais à la ménagerie, pardieu, où Sultane est en train de crever. C'est fait pour nous, ces choses-là. Sultane, je te suis. » Un instant après, Chausserouge et les 2 Tabary étaient devant la cage de la lionne, une bête superbe, pour laquelle le dompteur avait une prédilection. Elle était étendue sur le plancher de la cage, qu'elle labourait de ses griffes en grondant. Les yeux révulsés exprimaient la douleur, et de temps en temps son ventre avait des sursauts. « Elle a les coliques, c'est sûr. Il y a longtemps qu'elle est comme cela. » « Je m'en suis aperçu à 2 heures du matin, » répliqua le veilleur. « Préparez du lait vivement, » commanda le dompteur. « Est-ce qu'elle a mangé comme à l'ordinaire, à minuit ?»« Oui, patron, elle était très bien portante hier soir. » Tout à coup, une idée subite traversa la cervelle de Chausse-Rouge. « La viande, je parie que c'est la viande. En reste-t-il encore de la dernière distribution ?»« Oui, patron, » dit l'homme, « il y en a encore 2 gros quartiers. » Le dompteur courut à l'étal et examina les morceaux suspects. Il les sentit, il les palpa. « Ce n'est pas étonnant, » fit-il. « La viande n'est pas saine ni fraîche. Ah, ça, nom de Dieu, où as-tu été pêcher cette carne-là » ajouta-t-il en se tournant vers Jean Tabary. « Comme d'habitude, au marché aux chevaux. Un carcan que j'ai acheté 30 francs. Et qui va nous en coûter 10 000 ou 50 000. Il était malade, ton sale canasson. Et si toutes les bêtes en ont mangé, ça va être une crevaison générale. Ah, une fameuse économie que tu as faite là. Allons, fous le camp, va chercher le vétérinaire. Il n'est que temps. » Tandis que Jean, atterré, disparaissait, il se fit éclairer et passa rapidement la revue de tous ses animaux. Sans exception, les pensionnaires de la ménagerie étaient couchés, mais sauf les ours, à qui on ne donnait pas de viande. Tous paraissaient fatigués, accablés par le même malaise, quoique à un degré bien moindre. C'est bien ça, ils sont tous atteints. Mais c'est la lionne qui a eu le morceau le plus attaqué, le siège du mal. Elle est empoisonnée. Si nous la sauvons, nous aurons de la veine. Allons, le pisteur, ouvre-moi la cage. « N'entre pas, » cria Louise, « tu vas te faire dévorer. »« Elle n'a guère envie de manger, la pauvre bête. Tu ne veux pas que je la laisse crever ?» Tout d'abord, la lionne ne prit pas garde à la présence du dompteur. Mais au moment où il voulut l'approcher, elle fut saisie de tranchées telles qu'elle devint inabordable. Renversée sur le dos, elle battait l'air de ses pattes en rugissant de douleur. Puis tout à coup, elle se redressa, bondit, retomba, et courbée en deux, se mordit le ventre, comme pour en arracher le mal. À la fin, épuisée par ses efforts répétés, vaincue par la souffrance, elle s'allongea, faisant entendre une plainte continue et déchirante. Le dompteur, qui s'était tenu tapis dans un angle de la cage, put alors s'agenouiller auprès de la bête malade. Il la caressa, tâta son ventre gonflé et brûlant, puis comme on apportait du lait, il en fit remplir une jatte, qu'il posa devant elle. La lionne en lapa quelques gorgées, puis sa tête retomba, inerte. En ce moment, le vétérinaire apparut. On lui expliqua rapidement ce qui s'était passé. Il examina à son tour la viande qu'il déclara malsaine. Puis après un rapide coup d'œil jeté à la lionne, « Cette bête est perdue, » fit-il, « et je vous donne le conseil de quitter la cage. Tout à l'heure, avant de mourir, elle aura une série de crises qui mettraient votre vie en danger. D'ailleurs, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. » « Mais si on la saignait, » insista Chausse-Rouge, qui ne pouvait se résigner. « Trop tard, je vous dis, ça ne servirait à rien. Allons, sortez, sortez vite, soyez prudents. » Et occupons-nous des autres, qui ne sont peut-être pas aussi pincés. Je l'espère bien, dit le dompteur, que cette dernière observation décida à obéir. Il était à peine hors de la cage que la lionne, les yeux injectés, une bave sanglante aux lèvres, entra en agonie. Elle bondissait dans l'étroit espace où elle avait été enfermée, se frappant la tête au barreau, roulant à terre, tordue par d'atroces convulsions. À ses rugissements répondaient les rugissements des autres fauves, et pendant un instant, un concert effroyable résonna dans la ménagerie. « Ah non, je ne pourrais pas voir ça plus longtemps, » fit Chausse-Rouge. « Alors finissez-en, tuez-la, » dit le vétérinaire. « Je vous ai dit qu'elle est perdue. » Le dompteur courut chercher sa carabine, et profitant d'un moment où la lionne ne bougeait pas, il passa le canon à travers les barreaux, le lui appuya contre une oreille et pressa la détente. Le coup partit. La lionne, frappée à mort, fit un dernier bond, poussa un dernier rugissement, puis son corps retomba inerte. « En voilà 10 000 francs de foutu, » dit Chausse-Rouge, le sourcil froncé par l'émotion. « Tout ça pour quelques kilos de charogne. Ah, un fameux métier que le métier de dompteur d'animaux. Ma meilleure bête de reproduction. » Immédiatement, on s'occupa des autres animaux. Heureusement, il était encore temps. Le vétérinaire était adroit. Il prodigua le contrepoison que Chausse-Rouge parvint à leur administrer, et au petit jour, tout danger paraissait conjuré. « Voilà une nuit comme il n'en faudrait pas beaucoup pour me finir, » grommelait François désespéré. « Oh, voir souffrir ces bêtes, c'est pire que si on souffrait soi-même. » À ce moment, il sentit une langue chaude qui léchait sa main. Il se retourna. C'était Mirza, sa chienne Terre-Neuve. Pourquoi n'est-elle pas avec ses lionceaux, celle-là? Oui, c'est vrai, les lionceaux de Sultane. Est-ce qu'ils seraient malades aussi? Il courut à la caisse qui servait de niche à la petite famille, et presque aussitôt des miaulements rauques se firent entendre. Penché sur la boîte, il ne put d'abord rien distinguer dans l'obscurité. Puis, peu à peu, ses yeux s'accoutumèrent. Les cris étaient poussés par l'un des trois lionceaux qui remuaient encore au milieu de ses frères, dont les cadavres étaient déjà raidis. « Ah, c'est entendu !» cria-t-il. « On a donné de la charogne à toutes les bêtes, même aux lionceaux. Mais est-ce que tu n'as pas recommandé de leur donner chaque jour un peu de filet ?»« De la viande saine !» hurla Chausse-Rouge. « De la viande saine, pas de la charogne. Ça va faire 15 000 francs !» Il retira le lionceau encore vivant, mais tous les soins qu'on lui prodigua ne réussirent pas à le ramener à la vie. Il expira une heure plus tard. En présence d'un tel désastre, Louise Tabary elle-même n'osait risquer aucune consolation. En somme, c'était son fils le coupable. C'était lui qui avait commis cette gaffe, qui mettait la ménagerie à deux doigts de sa perte. « Allez vous aligner avec des seconds comme cela. Voilà ce qui arrive quand on ne fait pas tout soi-même, » ne cessait de répéter le malheureux Chausse-Rouge. À cet état de surexcitation qu'il ne fallait pas pour le moment songer à calmer, succéda un abattement, une prostration, dont profita Louise Tabary. Après tout, à qui n'arrive-t-il pas malheur? La même chose eût pu lui arriver à lui, Chausse-Rouge en personne. « Ah, non jamais !» répliquait le dompteur. « J'aime trop mes bêtes. On ne plaisante pas avec ça. Je me serais passé de manger plutôt que de leur donner de la carne. Ça coûte trop cher. » Le lendemain, cependant, une réaction s'était produite, et bien que toujours attristé par ce malheur, il reprit le cours de ses ordinaires occupations. Mais il ne permit plus à Jean de faire le marché, et il se réserva désormais ce soin. Sur ces entrefaites, Louise Tabary reçut une lettre du directeur de l'hospice où était soigné son mari. Le bonhomme était fort malade, et on invitait sa femme à se hâter si elle voulait le revoir vivant. « Est-ce que tu y vas ?» demanda Jean d'un air de détachement extraordinaire. « Oui, » répliqua la mère d'un ton calme, « je sais bien que ça ne fera ni chaud ni froid. Mais enfin, il est de la famille. Je ne veux pas avoir de tort envers lui. J'irai demain matin, car ce soir j'ai trop à faire. » Mais lorsqu'elle arriva le lendemain à l'hôpital, le corps de Tabary, mort dans la nuit, était déjà étendu sur une dalle d'amphithéâtre. « Le pauvre homme, » dit Louise froidement, « a-t-il bien souffert pour mourir ?»« Oh oui, » dit l'infirmier qui l'avait conduit. Toute la nuit, il appelait « Louise, Louise ». Il pensait à moi, c'est bien cela. Et ce fut toute l'oraison funèbre de l'ancien photographe. Elle racheta son corps, ne voulant pas, disait-elle, que quelqu'un de sa famille fût déchiqueté, paya les frais du convoi, qu'elle suivit en grand deuil, accompagnée de son fils, furieux de cette corvée, et de quelques vieux forains, qui avaient connu jadis Jean Tabary et travaillé avec lui. « Ça m'a fait beaucoup de peine, » dit-elle en revenant de l'enterrement. « C'est toujours comme ça, n'est-ce pas, un homme qu'on a connu tout jeune. Mais enfin, depuis le temps qu'il souffrait, et à son âge, ah, vaut mieux pour lui que ce soit fini. » Le soir, elle dit en dînant à Chausse-Rouge, « Tu ne te figures pas le poids que ça m'ôte de dessus l'estomac. Quand je t'ai connu, t'étais marié, moi aussi. J'avais beau t'aimer, j'avais pas la conscience tranquille. Je me disais comme cela que ce n'était pas bien ce que nous faisions là, que nous n'avions pas le droit d'être l'un à l'autre. « Aujourd'hui, nous sommes veufs tous les deux. Ça me tranquillise. Il me semble que je t'en aimerais mieux. » Et très froidement, elle fit la description du corps de Tabary, maigre comme un squelette, qu'elle avait à peine reconnu là-bas, sur la dalle froide. « Je me suis demandé comment j'avais pu m'attacher à ce magot-là. C'est vrai ça, vois-tu, quand je le compare à toi. » Et elle entourait de ses deux bras le cou de son amant, qui laissait dire et laissait faire, flatté au fond de cette comparaison bizarre de la mégère. La situation de la ménagerie ne s'était pas améliorée, au contraire. Quand on arriva à Pâques, il avait fallu accomplir des prodiges pour faire face aux frais journaliers. Chausse-Rouge congédia une partie de son personnel et promut Zézette, qui venait d'avoir 12 ans aux fonctions de caissière. C'était elle qui tenait le contrôle pendant les représentations. Pendant la semaine sainte, il s'installa à sa place habituelle sur l'avenue de Vincennes. La saison était avancée. Et le soleil brilla pendant tout le temps que dura le montage de la ménagerie. Les arbres avaient déjà des jeunes pousses, et tout faisait prévoir que la fête serait favorisée par une température exceptionnelle. « Qu'est-ce que je te disais ? » déclara triomphalement Jean Tabary. « C'est la foire du trône qui va nous recaler. »« Je le souhaite, » répondait Chausse-Rouge, « car nous en avons rudement besoin. » Mais dès le jour de Pâques, Jean dut convenir qu'il s'était trop hâté dans ses prévisions. Une pluie torrentielle éloigna le public et c'est à peine si les baraques, durant une accalmie, purent donner une seule représentation. « Pas de chance pour le premier jour, » dit Jean. « Mais bah, ce n'est qu'une pluie d'orage. Il fera meilleur demain. » Mais ni le lendemain ni les jours suivants, le temps ne se remit au beau. On passait par des alternatives de chaleur écrasante et de véritables déluges. L'eau transperçait les bâches, détériorait l'installation intérieure, et toujours le public rétif s'obstinait à ne pas tenir compte des réclames habiles que répandait à profusion dans Paris le syndicat des forains. Bref, ce fut la campagne la plus désastreuse qu'eut jamais entreprise Chausse-Rouge. La misère régnait sur tout le voyage. et l'on vit de pauvres saltimbanques obligés de s'adresser à l'assistance pour donner du pain à leur famille. De plus, on touchait à une époque redoutée de tous les débiteurs de Vermieux. L'usurier avait l'habitude d'arriver le second dimanche de la fête, chaque année pour réaliser celle de ses créances, venues à échéance. Et cette fois, personne n'était en mesure de faire face aux obligations contractées. Et comme on savait le vieil auvergnat intraitable, plus d'un forain s'attendait à se voir obligé d'abandonner en paiement un matériel chèrement acquis, et peut-être la caravane paternelle. Et après, que faire? On se souvenait de l'aventure de Romillard, le directeur du théâtre des marionnettes, que Vermieux avait exécuté lors de sa dernière apparition sur le voyage, qui mourait littéralement de faim avec ses petits. Le second dimanche de Pâques survint, puis le lundi s'écoula, puis le mardi, puis le mercredi. Les forains intéressés restèrent pleins de stupeur. L'échéance était passée et pour la première fois de sa vie, Vermieux n'avait pas paru.